France Culture, il est 16h. Tout de suite, Continent Science, Stéphane Déligeorges. J'ai toujours rêvé de connaître le futur, de voir comment le monde change, voir les progrès de l'humanité. En ouverture de tous les rendez-vous de la semaine à 16h, nouvel horaire donc, et toujours en direct de la maison de la radio, toujours du studio numéro 1. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui au menu, la chimie douce, la chimie bio-inspirée, le biomimétisme, c'est-à-dire regarder les leçons de nature pour pouvoir faire, comprendre la nature, comprendre ses mécanismes subtils, économiques, et apprendre à s'en servir, à les mobiliser pour faire nos artefacts à nous. Et avec moi pour ce rendez-vous de Continent Science aujourd'hui, Jacques Livage, il est chimiste, professeur au Collège de France, et Gauthier Chapelle, qui lui est agronome, est biologiste. Mais nous n'allons pas perdre notre bonne habitude, notre petite tradition, la chronique animalière. Pour cette chronique animalière, aujourd'hui, je retiens l'oursin. L'oursin, oui. Alias Strongylocentrotus purpuratus. Un échinoderme, donc, cousin des étoiles de mer. Et avec cette question. Comment les oursins détectent-ils la lumière? Œil composé d'insectes, œil camérulaire des mammifères, œil à miroir de certains poissons. La diversité des organes sensibles à la lumière ne connaît, d'une certaine manière, là encore, pas de limite dans la nature. Or, jusqu'à peu, on croyait l'oursin dépourvu de photorécepteurs. On a récemment découvert qu'il peut néanmoins se déplacer et en fonction de la lumière. Le séquençage du génome de l'oursin a révélé que celui-ci possède 6 gènes d'opsine, des protéines qui participent à la détection de la lumière. Ensuite, d'autres travaux ont mis en évidence dans l'endosquelette des oursins, c'est-à-dire la coque quasi-sphérique qui subsiste après la décomposition de l'animal, des filtres polarisants, donc des pigments sensibles à la lumière, ainsi que des lentilles microscopiques. Toutes ces adaptations indiquent cette chose étonnante, le corps entier de l'animal constituerait une sorte d'œil, le corps entier. Les chercheurs se sont ensuite interrogés sur la vision tridimensionnelle des oursins, et notamment sur le rôle des épines. Pour ce faire, ils ont placé 39 oursins au centre d'un aquarium et ont collé des disques noirs de deux diamètres différents. Le diamètre angulaire sur lequel le disque apparaît à l'animal est égal à 6,5 ou à 10 degrés et sur chacune des parois. En l'absence de disques, ou avec les plus petits, les oursins ne montrent aucune préférence dans leur déplacement. En revanche, en présence de grands disques, les échinodermes se meuvent soit en direction de l'ombre, soit dans le sens opposé. Les biologistes ont conclu que le plus petit objet détectable par l'oursin doit avoir un diamètre apparent d'au moins 10 degrés, ce qui correspond à 0,2 degrés du champ visuel total. Le comportement paradoxal, fuite ou attraction, s'expliquerait par le fait que l'animal, entre guillemets, voit dans l'ombre et soit un abri, soit un prédateur. En outre, les épines placées perpendiculairement au corps sphérique de l'animal indiqueraient la direction de la lumière. Au final, la vision de notre animal, de notre oursin, serait équivalente à celle des nautiles ou des limules, des animaux pourvus d'yeux totalement différents. Bonjour Jacques Livage. Bonjour. Bonjour Gauthier Chapelle. Bonjour. Est-ce que ça vous bio-inspire ou ça vous a bio-inspiré les gens de découvrir que l'oursin voit? Moi, j'aime bien l'idée qu'il soit un œil à lui tout seul. C'est beau, total, hein? Ouais, oui. Ça, j'aimerais bien creuser ça. Alors, Jacques Livage, vous avez commencé d'une certaine manière comme un être biface. Vous étiez et chercheur, ou en tout cas en train de faire une thèse, et journaliste. Donc je vous dis, compagnon de métier d'une certaine façon. Et en plus, vous étiez tout à fait avant-gardiste, on peut dire, puisque dans un papier du Monde qui date d'il y a 30 ans, que vous m'avez fait passer, déjà, vous disiez, vous revendiquiez, vous montriez qu'il était intéressant d'arrêter la guerre du feu et de passer à la chimie douce. Oui, effectivement. Effectivement, d'abord, en même temps que je faisais ma thèse, je faisais du journalisme. J'étais affecté dans un laboratoire de travaux pratiques. Il n'y avait pas de laboratoire de recherche associé, donc plutôt que de rien faire, j'ai eu l'occasion d'entrer dans le journalisme. Et j'avoue que c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Alors, en tant que chercheur dans des revues, c'était l'Usine Nouvelle à l'époque, mon but, c'était de montrer aux industriels un petit peu le futur, d'aller voir le futur pour voir qu'est-ce qu'ils pouvaient. Et c'est bien sûr dans ce sens-là que j'ai écrit dans Le Monde cet article sur la chimie douce, comme une possibilité, une voie de recherche. Et lorsque vous avez commencé, c'était le désert, c'est-à-dire ceux qui... on peut donner l'indication tout de suite. Vous parlez de la guerre du feu, c'est-à-dire que, évidemment, c'est un thème qui va vous être cher, à vous, Gauthier Chapelle aussi. C'est-à-dire que la guerre du feu, c'est quoi? Il faut des chaleurs intenses, pour obtenir un verre, il faut du 400 degrés, des pressions énormes. Alors que tout ça, on le voit sur l'exemple des animaux, peut se faire à température ambiante, dans une espèce de sérénité calme que représente le vivant. Et donc, vous étiez dans un désert parce que ça se pratiquait pas. Et maintenant, c'est l'explosion, n'est-ce pas? On peut faire ce constat après ce papier qui est anticipateur d'une certaine façon. Alors, guerre du feu, pourquoi? Parce qu'en fait, l'histoire de l'humanité se résume simplement aux matériaux que nous avions utilisés. C'était l'âge de la pierre, l'âge du cuivre, du bronze, l'âge du fer. Et si vous regardez, c'est simplement l'aptitude à avoir des températures de plus en plus élevées. Pour un haut fourneau, il faut quand même chauffer vers les 1000 degrés. Et je dirais que maintenant, on est à l'âge du silicium. Et là encore, pour faire du silicium à partir de silice, il faut chauffer bien au-dessus de 1500 degrés. Donc il y avait, pour ça je disais, est-ce que l'histoire de l'humanité, c'est simplement la guerre du feu, arriver à faire des températures de plus en plus élevées? Oui. Et bon, c'est là que je me suis quand même posé la question. Alors je rappelle ici la phrase de Léonard de Vinci, regardez la nature, c'est là qu'est notre futur. Et effectivement, si on regarde la nature, et je prenais dans cet article l'exemple d'une forêt, quand on se promène dans une forêt, en fait, une forêt, c'est quoi? C'est une industrie chimique extraordinaire qui transforme du CO2. Tous les écologistes vont dire le CO2, il faut le supprimer. C'est l'horreur. De l'eau et la chaleur du soleil. Oui. Et avec ça, vous faites toute la vie. Toute la vie est née de cela. Ça se fait à température ambiante. C'est un principe général, d'une certaine façon, que vous remarquez tout au long de votre ouvrage, Gauthier Chapelle, puisque elle est très sélective aussi, la nature, dans ses moyens. On verra dans plus de détails après. Mais revenons à votre itinéraire à vous, puisque je vous ai présenté comme et agronome et comme biologiste. Et je sais, j'en suis très jaloux parce que j'ai raté le coche. Je devais y aller. Je n'ai pu aller que dans le sub-Antarctique, c'est-à-dire Kerguelen. Et vous avez vu les manchots empereurs, je n'ai vu que les royaux. Donc, quel est votre itinéraire à vous? Écoutez, en bref, moi j'ai d'abord un passé de naturaliste, j'insiste toujours là-dessus. Pour moi, c'est au moins aussi important que d'être biologiste ou agronome. Ça veut dire que j'ai regardé les oiseaux très tôt, en particulier les oiseaux, à partir d'une année en Bretagne qui m'a beaucoup marqué. Et puis, effectivement, ça m'a conduit vers des études d'agronomie parce que je voulais le faire de façon un peu plus large que la biologie. Et là, j'ai eu la chance de pouvoir effectivement faire mon mémoire sur les crustacés antarctiques. Donc, j'ai pu aller à plusieurs reprises m'intéresser aux petites et aux grosses bêtes qui vivent sur les fonds. Je dis les grosses bêtes parce qu'après, j'ai fait ma thèse sur le gigantisme des crustacés antarctiques avant que de m'intéresser ensuite au changement climatique et du coup au biomimétisme comme réponse évidente une fois qu'on nous la met sous les yeux à cette problématique environnementale et à bien d'autres. Alors vous faites le lien ou vous faites référence aussi de façon directe, Gauthier Chapelle, à deux auteurs qui précédemment sont venus dans la semaine, une des semaines entièrement consacrées par Culture Science, la série des émissions scientifiques de France Culture, sur les catastrophes écologiques et en particulier sur le fait qu'il pouvait y avoir des causes climatiques à beaucoup de conflits armés, conflit terrible. Et ces deux auteurs dont je vais vous laisser dire le nom, puisque Pablo Servigne et Raphaël Stevens, voilà, sont ont pratiquement baptisé ou trouvé le néologisme permanent. Et je vais vous laisser dire aussi leur discipline, qui commence par un C. Voilà, leur discipline, c'est la collapsologie. Donc c'est l'étude des effondrements, que ça soit de civilisations, d'espèces, d'écosystèmes. Mais avec quand même l'intention d'étudier en particulier celui qui serait derrière la porte. Je laisse le conditionnel pour le sport. Donc de notre civilisation, justement, notre civilisation du feu, notre civilisation thermo-industrielle. Vous aviez déjà entendu ce terme pour ce hiatus terrible, l'effondrement, donc Non, pas du tout. C'est bien trouvé, je trouve. Hein, je trouve que c'est bien pensé, en tout cas. La collapsologie. Certains disent qu'elle nous pend au nez, et certains d'autres peuvent dire on y est dedans, déjà, dans la collapsologie. Donc on peut imaginer... C'est une question d'ordre général, puisque que je vous pose, que je vous adresse, Gauthier Chapelle. Évidemment, vous êtes un promoteur, tout comme d'ailleurs vous, Jacques Lévache, puisque vous appartenez en particulier à un même organisme, le Sébios, qui est dévolu à cette espèce d'observation très fine de la nature, où on pique certains de ces procédés. Et donc, dans cette situation, vous pensez qu'il y a encore une chance avec des technologies extrêmement fines, bio-inspirées ? Ben, ça dépend, une chance pourquoi. Ma réflexion actuelle, c'est que une bonne partie du biomimétisme de formes et de matériaux dont nous pouvons parler, notamment autour de la chimie douce, c'est une voie évidente que quand on peut faire quelque chose à 20 degrés au lieu de 1500, ça laisse quand même à réfléchir sur les économies d'énergie potentielles que ça implique. Par ailleurs, dans tous les cas, ça reste, la chimie du vivant, elle est extrêmement complexe. Jacques Livage pourra nous expliquer ça beaucoup mieux que moi. Et donc, elle n'est pas nécessairement elle n'est pas évidente à imiter, ça c'est certain. Mais moi, la question que je me pose et l'inquiétude qui monte, c'est est-ce que nous pouvons maintenir ce biomimétisme haute technologie? Oui, nous pouvons le maintenir tant que la civilisation thermo-industrielle est debout, mais si jamais elle devait venir à s'effondrer, est-ce qu'il n'est pas urgent de préparer aussi du biomimétisme low-tech qui nous permette notamment de vivre sans pétrole, tout simplement. Je pose l'équation sans combustible fossile. Je répète donc l'anglicisme low-tech. Certains préconisent justement aussi, en miroir d'une certaine façon, une low-science. Oui. Une science qui va doucement, qui ne se précipite pas à chercher, commandé par l'aval, c'est-à-dire par l'application, des procédés, des moyens, mais plutôt de prendre son temps. Alors je ne sais pas si elle a quelque chance dans un climat où le pétrole n'est pas cher en ce moment, mais que son extraction coûte, elle, de plus en plus cher, et qu'elle coûtera de plus en plus cher pour des réserves qui vont s'amoindrir. Enfin, Jacques Livage, revenons à vos exemples de chimie douce. D'abord, vous précisez, vous avez écrit, vous continuez à jouer le journaliste, si je puis dire, hein, puisque dans l'actualité chimique, qui est une revue donc de la Société chimique française, est l'organe de presse qui informe de beaucoup de choses, où il y a des papiers d'histoire, ainsi de suite. Et vous avez commis un article donc sur vers une chimie douce bio-inspirée, hein, d'une certaine façon, et là vous rappelez justement, dans ces termes, la guerre du feu par rapport à la chimie douce. Alors, petite question, la première, avant qu'on passe à vos chers matériaux, en particulier venus de la mer, donc les diatomées, qui sont nanostructurés, sur quoi avez-vous travaillé au départ dans votre volonté de faire une chimie qui soit vraiment douce dans ses procédés? Alors, le mot volonté est peut-être pas le bon. Au départ, je travaillais sur un domaine qui n'a rien à voir, qui s'appelle les semi-conducteurs amorphes. Et en particulier, faire des films de semi-conducteurs pour des propriétés électroniques, etc. Et je me suis aperçu, un peu par hasard, que quand il pleuvait, j'obtenais pas du tout les mêmes résultats. Et c'est là, je me suis dit, tiens... L'hygrométrie a son importance. L'eau doit avoir une importance. Et c'est cela qui m'a conduit vers ce que Pierre-Gilles de Gennes appelle la matière molle. Oui. C'est-à-dire que j'avais une interaction entre mon semi-conducteur et l'eau qui me donnait ce qu'on appelle maintenant des gels. Oui. Et je me suis dit, mais ça c'est extraordinaire, je vais foncer là-dedans. Oui. Des objets fragiles et paradoxaux en plus. Bon, vous parlez d'amorphes, hein, donc c'est donc pas des cristaux. mais pourtant parfois ils peuvent être des cristaux liquides. Donc il y a vraiment des, là encore des bizarreries aussi qui ont été créées, mais qui sont déjà aussi bien inspirées. Alors venons-en à ces diatomées. D'abord, elles sont magnifiques. La première chose, vous avez utilisé Léonard de Vinci. Il y a des formes. Il y a combien d'espèces de diatomées avec leur squelette de calcaire qui présentent des formes à l'infini. Squelette de silice, hein, squelette de oui, silice. Pardon. D'après les littératures, c'est de l'ordre de 100 000 espèces différentes. Oui. Hein. Avec 100 000 formes différentes. Et vous en trouvez absolument partout. Dans la mer, les océans, dans les rivières, dans la Seine où il y en a plein, dans les égouts de Paris, vous allez en trouver plein, etc. Hein. Ça a quelle taille en moyenne ? Alors c'est de l'ordre de quelques microns. Oui. Microdique. Disons, hein. Et là, simplement, du point de vue de la morphogenèse, on voit, il y a des raisons que vous allez nous donner, qui sont en dessous, mais du point de vue de la morphogenèse, il y a une puissance créatrice infinie, donc presque quasi infinie. Bon, le chiffre est fini dans le nombre d'espèces répertoriées, il doit y en avoir d'autres encore, mais... C'est là que se pose le vrai problème. Hein. Ah. Je dirais qu'en termes de chimie douce, l'eau remplace le feu. Et l'eau, c'est le liquide de la vie. Pas seulement de la vie. Hein. Donc on peut faire dans l'eau toute une chimie que l'homme pour le moment fait avec du feu parce que c'est sans doute plus facile, etc. Hein. Donc ces diatomées font du verre pour se protéger du milieu extérieur. Alors pourquoi du verre ? Ben, d'une part parce que c'est solide, nous aussi, hein, nos vitres sont en verre, et deuxièmement c'est transparent. Or les diatomées c'est des microalgues qui font de la photosynthèse, donc il faut bien que ce soit transparent. Elles font du verre dans l'eau. C'est des protistes qui font du verre dans l'eau. Oui, voilà. Oui. Alors ça, je dirais que c'est pas extraordinaire. C'est de la chimie simple, en solution aqueuse, dans de l'eau. Mm-hmm. C'est une chimie assez facile à faire. Ce qui est beaucoup plus difficile, et là on ne le domine pas du tout, c'est la morphologie, c'est la structure, c'est la nanostructure de cet objet. Les diatomées font 100 000 structures différentes. Et ça, c'est quelque chose que l'on ne sait pas encore faire, et qu'il faut comprendre. On peut continuer à les décrire, Jacques Livage, puisque, à vous lire, donc, j'ai appris que ces protistes avaient un exosquelette qui était en silice, effectivement, poreux, et que ça s'appelait des frustules. Oui, c'est le nom savant pour ces carapaces, ces coquilles de silice qui protègent. C'est un coquillage, en fait, hein, l'extérieur, comme une huître, une moule, etc., pour unicellulaire. Hein, très sophistiqué. Unicellulaire, mais en même temps, bon, c'est quelque chose de mou. Et pourtant, ça va sécréter quelque chose qui va se minéraliser, quoi, d'une certaine façon. Oui. Donc là aussi, il y a un joli paradoxe, on peut que le souligner. C'est-à-dire, à partir d'un corps qui est mou, il fait de la coquille. Donc quelque chose qui résiste et qui est bon. On n'arrête pas dans l'étonnement, hein, quand on aime la nature. Oui, enfin, je n'ose pas vous dire, mais enfin, vous êtes un corps mou et vous faites des os et des dents. Exactement. Que je sache, hein. Et oui. Et non seulement vous faites des dents, mais vous faites les mailles des dents pour les protéger en brillant. Vous le faites à température ambiante, avec votre salive, etc. Les mailles dans une poterie, il faut chauffer au-dessus de 1000 degrés pour faire les mailles. Et donc oui. Vous avez un exemple de vous-même, de chimie douce. De chimie, oui, douce, qui est à notre service. Continuons juste un instant encore, parce que ces diatomées meurent, donc cet exosquelette tombe au fond, marin, sur le fond marin, c'est ramassé, ça s'appelle la diatomite. Oui, J'ai vu qu'on en produisait, dans l'article que vous avez donné à cette revue, 200 000 tonnes par an. Oui, c'est un produit industriel, c'est un sédiment. Hein, donc, alors l'intérêt, je ne l'ai pas souligné, mais cette coquille de verre, bien évidemment, il faut que la cellule qui est à l'intérieur puisse communiquer avec le milieu extérieur, et donc c'est plein de trous. Donc c'est très poreux, et ça sert de filtre, en particulier pour filtrer les liquides tels que le vin de Bordeaux. Il y a même des... Les piscines aussi, dites-vous aussi. Oui, les piscines, c'est plus trivial, mais enfin bon. De charge dans des polymères, etc. etc. Oui. Hein. Donc ça ramasse par terre. En Auvergne, il y a des minerais partout. Hein. Il y a une application que l'on connaît aussi bien, qui sert à la porosité, c'est celle d'Alfred Nobel, qui s'est dit, tiens, c'est plein de trous, je vais mettre la nitroglycérine dedans, ça va la stabiliser, et c'est la dynamite. Une invention tellement extraordinaire qu'on était sûr que la guerre allait s'arrêter. Eh oui, quel paradoxe. Pourquoi derrière la chimie douce, il peut y avoir des applications qui ne sont pas très douces. Ouais. Il y a un Nobel de la paix, mais enfin, ce qui s'en est suivi après les découvertes, c'est Verdun ou presque. Bon, enfin. France Culture, Continent Science. Stéphane Delisgeorge. Gauthier Chapelle, un petit commentaire dès à présent, parce que là, évidemment, vous êtes évidemment particulièrement intéressé. Ben oui, en tout cas derrière. C'est un bon exemple. Ben là, on parle de diatomée, mais le groupe d'à côté sur lequel travaille aussi Jacques Livage et son équipe, c'est les éponges. Et là, c'est une application aussi qui nous concerne, et je dirais qui concerne particulièrement maintenant où on a besoin de cette intelligence collective et où elle s'est d'ailleurs déployée avec le web. Mais le web repose notamment sur les fibres optiques. Les fibres optiques, c'est des fibres de verre produites à plusieurs centaines de degrés. Et les éponges le font à température ambiante, qu'elles soient sur les fonds abyssaux ou en Antarctique. Dans les deux cas, ça se fait entre 0 et 5 degrés. Donc c'est un très très bel exemple et qui est en train d'essayer de sortir des labos, qui est réalisé en laboratoire depuis très peu de temps. On sait maintenant synthétiser des fibres comme le font les éponges, reste à industrialiser. Et ça, ce petit reste à industrialiser est toujours le point délicat pour que le biomimétisme se déploie vraiment. Alors, qu'est-ce qu'il vous a amené, maintenant passons à votre programme, si je puis dire, au programme que vous nous faites voir, de ce biomimétisme bien pensé, respectueux de la biosphère, puisque c'est presque l'argument final, c'est l'argument encadrant, c'est qu'en définitive, nos artefacts doivent être des amis de la biosphère, puisque c'est notre havre d'origine. Donc, quels sont les grands principes, puisque tout au départ, d'abord on peut peut-être préciser que vous avez eu un maître en la personne de... On va jouer là encore, je vais jouer de la facilité, je vais vous laisser dire donc le nom de cette dame extraordinaire. Janine Binius. Oui, qui est américaine. Oui, naturaliste aussi. Naturaliste, et qui a écrit un livre qui s'appelle Biomimétisme, et qui a établi un certain nombre de règles, en particulier donc pour regarder, qui a eu, on va en voir d'autres, mais cette phrase en disant... J'espère que je ne me trompe pas, mais ce qu'il y a de plus précieux dans la nature, c'est ce qui est le plus abondant. Oui, tout à fait. C'est paradoxal, ça. Oui, tout à fait. Là, cette phrase de dire « dans la nature, ce qui est abondant est précieux », c'est ce qui est abondant qui nous donne les leçons principales que nous avons intérêt à suivre pour rester, comme vous le dites, amis avec la biosphère, effectivement. Alors, comment on peut définir donc ces trois niveaux, les trois premiers niveaux? Vous parlez d'abord que le biomimétisme, c'est une copie des formes qui sont proposées par la nature. Oui, tout à fait. C'est le niveau, je dirais, qu'on voit le plus parce que c'est le plus facile, pour pas changer. C'est une question de facilité. Et ça, voilà, ça se décline aussi bien au niveau des formes à grande échelle, en tout cas à l'échelle qui nous est accessible, que à des échelles beaucoup plus réduites, des microformes ou des nanoformes. Et c'est celui, voilà, c'est le plus populaire, c'est celui qu'on voit le plus sur le web depuis le train Martin Pêcheur, l'hydrolienne baleine à bosse, etc. Ah, mais là, il faut expliquer, là, il faut dire, hein, on va tout de suite exemplifier parce que c'est quand même magnifique. Il y en a un que vous aimez bien, hein, c'est quand même l'éolienne baleine, hein, oui, hein, le cétacé qu'on a utilisé, c'est absolument extraordinaire. Allons rapidement. Alors, j'avance pour plutôt, je vais vite pour lancer le décor. C'est que quand on fait des trains extrêmement rapides, et donc qui vont à plus de 300 à l'heure, qu'on se trouve au Japon en particulier, il y a beaucoup de tunnels sur une certaine ligne qui part de Tokyo, et chaque fois que le train pénètre dans le tunnel, eh bien, à l'autre bout du tunnel, du fait de la différence de pression avec cette masse énorme qui arrive à cette célérité, ça fait un bang. Or, lorsque le Martin Pêcheur, lui, plonge, il est dans ce milieu gazeux qu'est l'air, il pique dans l'eau. S'il faisait un bang, il ferait fuir. Oui, il ferait fuir, il serait mal, et ça marcherait pas. Et ça marcherait. Alors, qu'est-ce pas. Qui s'est passé? Ben voilà, il se fait que l'ingénieur à qui on a demandé de travailler là-dessus était un ornithologue. Il a pensé justement au Martin Pêcheur. Il a eu cette réflexion qu'on demande en biomimétisme, c'est de réfléchir qui a le même problème que moi et comment l'a-t-il résolu. Et voilà, et donc il a adapté la forme du bec du Martin Pêcheur, et ça a permis à ce train effectivement d'avoir une pénétration bien plus aisée dans les tunnels, avec baisse des bruits, baisse des vibrations et baisse de la consommation. Donc c'est pas mal, c'est un bec de Martin Pêcheur qui permet de baisser les émissions de CO2 à l'origine, hein, puisqu'il faut aussi des centrales au charbon pour faire rouler les trains. Donc encore une fois, on le mettrait dans le premier niveau, dans le... Ah oui, là on est complètement dans le biomimétisme de forme, parce que le TGV, il va de soi que ces matériaux sont toujours construits à l'air du feu. Matériaux et procédés, c'est un autre niveau, celui-ci. D'ailleurs, on va changer d'échelle, d'une certaine manière. Le plus souvent, mais là on retombe vraiment sur justement sur les travaux de Jacques Livage et d'autres. Donc les exemples de la silice, là on est en plein dans le nanoscopique. Il y a d'autres exemples avec certaines colles maintenant de contreplaqué qui sont inspirées des moules, enfin de ce qu'on appelle le byssus. Donc cette partie protéique qui permet à la moule de s'attacher à son substrat, ses rochers. Puis il y en a d'autres encore. Ah oui, mais on va pas aller aussi vite parce que moi, ils m'ont absolument passionné. Donc pour que la moule devienne Cécile, pour faire le cuistre un instant, c'est-à-dire que c'est un joli mot de la langue française qui veut dire accrocher à son rocher, il faut un sacré adhésif. Hein, et parce qu'elles se laissent pas trimballer n'importe où, elles veulent rester fixées, ces moules, les moules bleues en particulier, qui ont été regardées. Ah oui, mais... Et puis il y en a qui utilisent beaucoup de colle par contraste, c'est ceux qui font du contreplaqué. Et parce qu'il faut qu'ils collent des morceaux de bois ensemble. Et là, vous allez nous expliquer, Gauthier Chapelle, le passage de l'un à l'autre. C'est-à-dire qu'on a copié la moule pour faire du contreplaqué. Et quand on obtient le résultat, vous le direz à la fin. Alors, quelle est l'idée? Comment ça se passe au départ? De quoi est formée cette colle incroyable? Alors, la plupart des... Je vais aller dans l'autre sens. C'est que la plupart des colles, enfin, les contreplaqués classiques sont avec des colles à base de formaldéhyde, c'est-à-dire de formol, c'est-à-dire une molécule pas sympathique du tout. Oui, on en trouve beaucoup dans les studios refaits ici. Voilà, qui fait pas bon respirer. Dans les cellules de montage. Voilà, et donc... Ça s'appelle une malfaçon. Quand ils ont voulu essayer, donc il y a une boîte canadienne en particulier qui a essayé de contourner ce problème-là, et elle s'est intéressée aux travaux d'un chercheur qui travaillait vraiment pas loin, sur la côte pacifique, et qui travaillait donc sur la composition protéique et la façon de former ce byssus, donc comme on l'appelle, ces fibres qui permettent à la moule donc de rester accrochée à son rocher. Et en fait, ils ont réussi à limiter à partir de protéines de soja et à concevoir un produit qui a pu remplacer ces colles à base de formaldéhyde, notamment à base de formaldéhyde. Ça a été toute une aventure industrielle qui s'est opérée juste avant la crise de 2008. Et grand bien, c'était une bonne idée puisque et c'est ce qui a permis à cette firme canadienne d'être maintenant la dernière sur le marché à faire des contreplaqués. Toutes les autres sont passées à la trappe au profit des Chinoises en 2008. Est-ce que vous avez d'autres exemples de ce qui là est spécifié comme un deuxième niveau dans la bio-inspiration? Oui, incontestablement. Pour rester sur l'exemple du verre, je vais rester pour le moment sur cet exemple-là. L'intérêt d'utiliser l'eau plutôt que le feu, c'est qu'on part d'un liquide et on va obtenir un solide. Donc quelque chose qui va devenir de plus en plus dense. Et en particulier ce qu'on appelle un gel, je dirais pour aller rapidement, ça ressemble à de la peinture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va pouvoir mettre en forme à température ambiante comme on met en forme de la peinture. Et donc vous avez maintenant des applications industrielles énormes pour faire des revêtements sur des vitrages de bâtiments. Donc c'est des centaines de mètres carrés, c'est pas de la petite production. Vous pouvez faire aussi étirer des fibres. Je prends l'exemple de la navette Columbia. Les tuiles réfractaires d'alumine de la navette Columbia sont faites avec des fibres qui sont faites de cette façon-là, qui ne sont pas faites à haute température par fusion d'alumine, qui sont faites à partir de solutions. Donc il y a des développements industriels qui, je dirais même pour être honnête, ont précédé la recherche universitaire, qui sont très importants. Oui, et ils ont posé des questions de fond à la recherche. Dans ce cas-là, ils avaient besoin du fondamental. Exactement. Il y avait le procédé, mais derrière, il y avait des vrais problèmes fondamentaux. Et d'ailleurs, au préalable de cette émission, vous m'avez dit que vous étiez très amis avec Pierre-Gilles de Gênes et que même l'intitulé de votre chaire était assez proche de la sienne. Physique de la matière condensée pour Pierre-Gilles de Gênes et chimie de la matière condensée pour en ce qui me concerne. Donc on s'entendait très bien et on a... Beaucoup. Est-ce que, puisque vous m'avez dit aussi que vous entreteniez des relations, de bonnes relations avec des industriels, est-ce que vous en avez rencontré qui ont le respect de l'environnement? Parce que, en particulier, les choses se passent au niveau nanométrique. Or, il y a quelques questions à se poser avec les nanos en général. Non, je pense que l'industriel, en tant qu'homme, il est comme vous et moi. C'est-à-dire? Il est aussi soucieux d'écologie que l'on peut l'être. Alors, quand vous parlez là, vous pensez plutôt à l'industriel qui va vendre, qui va faire du commerce, qui va faire de l'argent. Hein? Bon, cela, je suis pas sûr qu'il soit écologiste. Non, ils le sont même pas du tout. Je suis pas sûr. Mais l'industriel, enfin, les relations que j'ai moi avec l'industrie, c'est évidemment avec les centres de recherche de l'industriel. Donc, des gens qui sont comparables. Qui ont le souci de l'environnement. Qui peuvent avoir le souci de l'environnement. Qui peuvent l'avoir. Oui, bien sûr. Oui. Alors, un commentaire là. Parce que ils sont loin du troisième principe. Là, on a abordé le deuxième, mais l'autre, Gauthier-Chapelle, on est loin du troisième principe. Oui, effectivement. Ben, le troisième principe, c'est donc de monter au niveau écosystémique, et oui. Donc de ne plus s'intéresser à la technologie de façon isolée, mais à la remettre dans son contexte. Et le niveau écosystémique, c'est la même chose. C'est que finalement, on va regarder comment les espèces entre elles s'organisent pour donner naissance à un écosystème qui est lui-même dur, s'adapte et dur, hein, comme une forêt ou un récif corallien. Donc comment les espèces vont interagir au sein d'une forêt pour donner une forêt qui dure. Et donc ça suppose effectivement de pouvoir un petit peu, d'abord de pouvoir bien s'entendre avec son voisin, pas seulement, comme on dit trop souvent dans la loi de la jungle, juste se taper dessus ou se manger les uns les autres. Il y a ça bien sûr, mais pas seulement. Il y a aussi énormément de relations de coopération, c'est un des principes de base de ce niveau écosystémique. Et c'est indispensable, parce que pour pouvoir coexister, il faut pouvoir trouver des moyens de ne pas nécessairement exterminer la santé des autres pour garder la sienne. Oui. Gauthier-Chapelle, vous reprenez une définition de la biodiversité, et je trouve qu'elle assonne beaucoup avec ce qui va être appliqué dans cette volonté que vous avez, qui est la suivante, je ne sais plus à qui on doit l'attribuer. La biodiversité n'est pas une somme d'espèces, mais une somme d'interactions des organismes au sein, voire même au sein d'une même espèce. Donc là, on est dans ce troisième niveau, au niveau de l'interrelation de façon permanente. On va la voir d'ailleurs de façon horizontale, même verticale, si je puis dire. Oui, ben tout à fait. Et c'est là qu'on retrouve du coup d'autres grands principes de ce niveau-là, dont un qui va évidemment être important ici, c'est la circularité. La circularité, comme on dit maintenant, de l'économie, mais de l'économie du vivant, et qui fait que chaque déchet produit par une espèce crée une opportunité de ressources pour une autre espèce, et tôt ou tard, il y en a qui sont là pour s'en servir, et de ce fait-là, on a ce recyclage incessant, sachant qu'en plus, on s'appuie, enfin, le vivant s'appuie, mais je dis on, parce que nous en sommes partis, bien entendu, on s'appuie sur extrêmement peu d'éléments, hein, ça a été dit à l'instant par Jacques Livage, sur essentiellement là, les quatre briques essentielles, le carbone, l'oxygène, l'hydrogène et l'azote. Et avec ça, on a tout cet immense jeu de la chimie du vivant. Mais comme tout le monde emploie les mêmes briques, entre guillemets, ou en tout cas les mêmes briques de base, et il y a des possibilités d'échange, et ça ne laisse pas trop de molécules sur le côté dont personne ne sait rien faire. Nous sommes les champions, nous, depuis très peu de temps, avec notre chimie chaude, de la production de ces molécules dont personne ne sait rien faire. Je pense au plastique, par exemple, qui tourne dans tous les océans du monde. L'abomination, oui, effectivement. Là encore, un des résultats de la guerre du feu. Voilà, sur les variations de Goldberg, de Bach, par M. Gould, proposé par un dernier du journaux pour ce petit mi-temps dépassé déjà de ce rendez-vous de Continent Science, toujours en compagnie de Jacques Livage et de Gauthier-Chapelle pour comprendre cette cette manière de faire des artefacts qui soient bio-inspirés. On pourrait peut-être revenir un instant descendant, justement, dans l'échelle, toujours soit sur les éponges, soit sur les diatomées. Vous dites qu'on peut analyser, il y a une chose qui est tout à fait fascinante, c'est que il y a des trous, donc, dans les diatomées en particulier, et qui sont apériodiques, c'est-à-dire qu'il y a des malices incroyables, des orientations, ça veut dire. Hein. Je vous laisse expliquer, parce que je trouve ça tellement magique. Il y a quelque chose d'extraordinaire quand vous regardez le vivant, c'est, je dirais, l'économie de moyens. Oui, toujours. Alors, par exemple, quand nous voulons faire quelque chose, un matériau, il est orienté vers une propriété, la transparence pour le verre, par exemple, ou les propriétés électroniques du silicium, des choses comme ça. Et quand on veut perfectionner, il faut une autre propriété, on fait un autre matériau, une autre composition, etc. Donc c'est pas, on travaille, je dirais, par couches successives, en essayant d'optimiser chacune des couches pour avoir finalement le matériau qui va donner les bonnes propriétés. La nature, pas du tout. Elle est économe, elle va faire un matériau. En l'occurrence, le verre, la silice pour les diatomées. Mais avec ça, il faut qu'elle fasse tout. Elle va pas s'amuser à fabriquer autre chose. Et donc, elle va faire quelque chose de solide. Bon, le verre, c'est solide. Transparent, on a vu que le verre, c'est transparent. Il faut échanger avec le milieu extérieur pour le métabolisme. Donc, il y a des trous. On avait vu que c'était plein de trous. Mais plus encore, c'est comme fait de la photosynthèse, la diatomée doit flotter à la surface de l'eau, où le soleil tape le plus fort. Et vous savez bien, quand on est sur la plage, les UV vont brûler la peau. De la même façon, les UV du soleil vont brûler la cellule. Il faut qu'elle se protège. Nous, on prend des crèmes solaires. Non, les trous, au lieu de les répartir n'importe comment, ils sont répartis de façon périodique. C'est ça. Et ils forment ce qu'on appelle des cristaux photoniques. C'est-à-dire que la lumière va se comporter dans ces cristaux photoniques comme les électrons dans un semi-conducteur. Oui, parce que le... Et ça va servir de filtre. C'est ça. De filtres pour éliminer les UV, focaliser même la lumière sur les pigments photosynthétiques, etc. Vous avez dit le mot, donc c'est pour faire marcher le moteur photosynthétique. Voilà. Oui. Bien sûr. Et donc c'est cette somme, avant jouant sur la nanostructure, qu'on va pouvoir avoir l'ensemble des propriétés. Oui. Aucune d'entre elles n'est optimisée au maximum. Il y a toujours un petit flou de façon que ça puisse se reproduire, se recouvrir. Et... si je prends l'exemple des diatomées, ce que l'on peut, les chercheurs sont en train de faire, c'est d'utiliser ces diatomées pour jouer avec la lumière, dans quoi ? Dans des cellules solaires. Donc utiliser la silice des diatomées pour améliorer le rendement des cellules solaires. Gauthier Chapelle, je voudrais qu'on prenne un exemple qui vient de Namibie, là encore, parce que je le trouve extraordinaire d'abord de découvrir le... C'est relativement tardif qu'on ait appréhendé. Alors on peut dire d'abord une chose qui est comme une généralité. Il y a des façons très très simples. À ce même micro, mais il y a quelques années, était venu un scientifique qui a rendu à certains villages indiens un grand service en faisant des toits. Puisque de toute façon, même dans les zones très très arides, il y a de la rosée tous les matins. Et donc il s'est débrouillé à récupérer cette eau de pluie. Et donc à avoir de l'eau qui soit buvable, comestible, systématiquement, tous les matins, gratis. Bel exemple. Que fait ce petit scarabée dans le désert du Namib, Gauthier Chapelle? Ben en fait, il fait exactement ce que vous venez d'expliquer. Tous les matins, il se met en haut des dunes face aux vents dominants qui viennent de l'océan. Et donc le désert du Namib, c'est à la fois un désert très chaud, mais face à des courants froids, qui viennent d'Antarctique d'ailleurs, et donc de cette façon, il capte non seulement la rosée, mais même l'humidité de l'air, ça a été montré plus récemment. Et en fait, il le recueille au sommet d'une série de poils, puis ça tombe entre les poils dans des structures qui littéralement sont hydrophobes, donc qui va permettre à ces gouttes de couler jusqu'à sa bouche, et il boit de cette façon-là. Et donc ce jeu entre d'une structure qui attire l'eau et une autre qui la repousse a été imité en labo, en tout cas, encore une fois en labo, pour pouvoir augmenter l'efficacité des collecteurs d'eau. On attend toujours la traduction industrielle, encore une fois. Oui. Et là, il y a deux éléments qui, évidemment, vous mobilisent immédiatement. D'abord, il y a de l'hydrophobe et il y a de l'hydrophile. Vous en avez rencontré beaucoup, et comme Pierre-Gilles de Gênes aussi, et avec toutes leurs caractéristiques, hein, il y en a beaucoup. Deuxième chose aussi, là qui est un petit peu différente, mais qui est à l'œuvre tout le temps, vous utilisez peu le mot, vous l'utilisez beaucoup. Il y a un moteur qui est un accélérateur de réactions chimiques. C'est la catalyse, c'est-à-dire que, d'une certaine façon, le vivant abuse de la catalyse, c'est-à-dire un accélérateur prodigieux de synthèse chimique. Alors un mot sur ces deux choses. La catalyse, pour le chimiste, c'est effectivement le béaba de toute réaction chimique et développement industriel. Ça permet d'améliorer considérablement le rendement d'une réaction, etc. C'est un Français d'ailleurs. C'est un Français qui a élaboré la théorie, le premier. Donc c'est vraiment très important. Alors pour prendre à revenir au bio-inspiré, j'avais souligné que la photosynthèse, c'était quand même le béaba de toute la vie. Et cette réaction de photosynthèse, pour qu'elle marche, il faut qu'elle soit catalysée. Et donc, il y a des recherches actuellement pour catalyser ces réactions, de faire réagir le CO2 avec l'eau. Et c'est un point qui est très important. Donc, c'est l'imitation de protéines, de catalyse, d'enzymes, etc. Donc, ça, c'est un des secrets de la réaction chimique, la catalyse. Ah oui, une grande malice, là encore, si je puis utiliser ce terme. Et dans ce cas-là, est-ce qu'on peut imaginer que, à partir de là, en particulier pour faire certains types de fils, est-ce que ça peut être mobilisé? Qu'est-ce que vous pouvez, à l'horizon prochain, qu'est-ce que vous pouvez prédire d'une certaine manière, scientifiquement, on s'entend, mais dans la maîtrise de ces procédés, Jacques Livage? Pour la morphologie, je ne pense pas. C'est vraiment pour arriver à optimiser les conditions dans lesquelles il faut faire une réaction chimique. On a parlé du feu, donc en général, on fournit de l'énergie sous forme de chaleur de feu. Là, c'est abaisser la barrière énergétique nécessaire en ajoutant des produits qui vont intervenir dans la réaction, qu'on va retrouver après d'ailleurs. Donc c'est parfaitement recyclable. Oui. Qu'est-ce que on peut dire concernant donc maintenant de façon plus théorique ce nouveau, enfin cet ultime niveau. Pour constater en particulier que si on prend une forêt, c'est inépuisable comme métaphore d'une certaine manière ou comme en tout cas comme une modélisation de l'économie et surtout il y a une sorte de c'est très anthropomorphisme, le langage que je vais utiliser, mais il y a une politique des déchets qui soit du recyclable. Et que, ça se voit de façon massive dans les forêts, Gauthier Chapelle, non? Oui, tout à fait. J'aime bien de parler. J'en parle comme ça dans mon bouquin, puisque la forêt, effectivement, les sujets sont inépuisables. À la base, avant le recyclage des déchets, il y a ce à quoi les déchets ont servi avant de l'être. Et là, je reviens à la photosynthèse, je reviens aux feuilles, qui sont un modèle extraordinaire, justement pour le photovoltaïque, puisque la première fonction de la photosynthèse dont Jacques Livage parle à l'instant, c'est bien de transformer des photons en électrons. Ces électrons vont ensuite permettre les réactions de combinaison entre le CO2 et l'eau qui vont donner les briques du vivant. Mais donc voilà, ces feuilles sont des panneaux solaires finalement, mais qui, à la différence de nos panneaux solaires, comme ils coûtent extrêmement peu cher en énergie, pour la forêt, il est plus intéressant de les recycler en fin de saison, enfin de les recycler, de les laisser tomber et de préparer les panneaux solaires de l'année suivante. Mais si elle peut se le permettre de les laisser tomber comme ça, c'est parce qu'ils sont aussi justement très faciles à recycler, qui représentent une énorme ressource en fait pour tous les organismes de la forêt. Et là, il y a les classiques, on connaît tous les vers de terre, mais il y a une ribambelle impressionnante d'espèces dans le sol, mais déjà à la surface du sol aussi, qui vont se nourrir de ces feuilles mortes, qui vont remettre cette matière à disposition et elle va pouvoir retourner complètement dans le cycle et contribuer à former les panneaux solaires de la génération suivante. On peut penser en particulier aussi aux vers de terre qui sont absolument essentiels puisque c'est une terre est morte si elle n'a pas de vers de terre qui lui mange des tonnes de terre mais mélangées avec des nutriments qui sont d'ordre chimique encore une fois mais donc là c'est un bon exemple. Est-ce qu'on peut quand même revenir à cette technique qui utilise en particulier la houle, parce que je trouve que là encore, vous avez multiplié les exemples dans votre ouvrage, et ils sont tous absolument passionnants, de revenir à cette utilisation donc des courants marins, des marées, pour faire des... Alors, hydro quoi ? Maintenant, on dit hydrolienne, hein, mais... Des hydroliennes. Oui, alors hydrolienne, ce qui est curieux, c'est que les hydroliennes, c'est un mot qui est inspiré, enfin, qui fait penser aux éoliennes et donc aux hélices. Et actuellement, il y a effectivement un projet en développement en France où l'ingénieur qui travaille dessus est parti du constat que finalement, les poissons à hélices, c'était relativement rare et que donc, c'était sans doute pas le moyen de propulsion le plus efficace dans l'eau. Et par contre, le moyen le plus efficace dans l'eau, c'était la membrane ondulante. Et donc, c'est de ça dont il s'agit, c'est s'inspirer de la forme, enfin, la forme d'une raie, mais de n'importe quel poisson ou n'importe quel dauphin même qui emploie cette ondulation. En l'occurrence, c'est la raie manta. Donc, voilà, hein, en l'occurrence, c'est la raie manta. Donc, il s'agit de produire une énorme membrane donc de plusieurs, presque une dizaine de mètres de côté, de l'ancrer face au courant. Et donc, elle va onduler face au courant. Et puis, avec des mécanos récepteurs classiques qui transforment le mouvement en électricité, de produire le courant de cette façon-là. Avec plusieurs avantages, c'est que notamment, ça démarre à des vitesses inférieures à ce que les hydroliennes émergées, enfin les éoliennes émergées dites hydroliennes, donc les hélices classiques peuvent faire, et aussi qu'on peut les utiliser à des profondeurs moindres, ce qui du coup augmente considérablement les gisements potentiels où on pourrait mettre ces hydroliennes. Donc ça, c'est évidemment, là on est de retour dans la forme, avec l'avantage quand même que les matériaux, il y a quand même un certain travail qui est fait sur les matériaux pour les rendre, les moins incompatibles possibles, je vais le dire comme ça, et notamment la membrane elle-même étant en caoutchouc, qui est une molécule quand même qui est parfaitement, enfin qui vient du vivant d'ailleurs et qui est compatible avec le vivant. Mais la question pour moi qui se pose au-delà, qui est liée à la question de toutes les énergies renouvelables, c'est est-ce que c'est des énergies renouvelables juste pour pouvoir avoir encore un peu d'électricité, ou est-ce qu'on veut absolument se maintenir à ce que Jean-Marc Jancovici appelle les 450 esclaves énergétiques qui chacun travaille pour nous. Dites-le lentement parce que c'est vraiment incroyable ce chiffre. Donc 450 esclaves énergétiques, ça veut dire que chaque jour, un occidental ou disons un habitant du monde thermo-industriel consomme une énergie qu'il faudrait 450 hommes en pleine force en train de faire du travail physique 24 heures sur 24. Donc ça veut dire qu'on est dans un pic là totalement historique et totalement... qui va pas durer longtemps, donc qui repose essentiellement sur les combustibles fossiles et en France et en Belgique, dont je viens, sur le nucléaire en particulier. Mais ça n'est que voilà, ça n'est qu'une éclaircie, c'est le cas de le dire. Ça fait un peu de lumière pendant quelques secondes à l'échelle, si on regarde ça à l'échelle des temps géologiques, et derrière les suivants se débrouilleront. Et je ne suis pas sûr que les hydroliennes suffiront à remplacer. Les hydroliennes pourront certainement compléter, mais remplacer, ça c'est une grande question que nous pose aussi le vivant. Mais oui, alors si on reste sur ce même, toujours cet exemple des éoliennes, Gauthier-Chapelle, et par rapport à un certain nombre d'impératifs qui sont donc qui sont dans la position de cette doctrine bio-inspirée, vous remarquez, on a le sentiment dans un premier temps qu'il y a une formidable manière écologique, puisque c'est du renouvelable pur, puisque le vent se lève dans les bonnes régions et que les grands champs d'éoliennes qui sont posés sur le fond de marins peuvent fournir. Mais si on les regarde de près, en particulier, il y a des pénuries partout. Et il y a des pénuries de matériaux et en particulier de métaux rares. Et il y a des métaux rares dans la composition, en particulier de certaines des batteries de ces éoliennes. Donc vous reconduisez là encore la question. C'est-à-dire que il faut encore mimétiser, si je me permets ce néologisme là, ou le transformer en verbe. Oui, encore plus loin, pour autant que ça soit possible, mais effectivement la question, vous disiez à l'instant que ce sont des pures renouvelables une fois qu'elles sont installées, mais le problème c'est que ce sont justement pas des pures renouvelables pour être fabriquées, et qu'on est encore sur toutes des technologies, et on peut les passer en revue très rapidement, on fait pas un barrage hydroélectrique sans combustible fossile, on ne fait pas une centrale nucléaire, que je n'appelle pas du tout du renouvelable, mais une centrale nucléaire non plus, elle n'émet pas de CO2 en fonctionnement, mais il faut la faire et il faut la démanteler, et dans les deux cas il faut beaucoup de combustible fossile. Mais même chose pour le photovoltaïque, à concentration qui a d'autres avantages. Dans tous les cas, on a besoin de combustibles fossiles. Donc on a là une double équation. On a d'un côté les métaux rares, vous venez de les citer, mais même les métaux tout court. jour, si vous devez mettre des éoliennes autour du monde, il faut les connecter au réseau avec du cuivre, et le cuivre est dans la liste de ces métaux que l'on sait qu'on est en train de, j'allais dire de lentement, mais à l'échelle humaine un peu lentement, mais à l'échelle géologique, très rapidement d'épuiser et de disperser. Et donc là, on a un vrai problème, il faut vraiment à la fois qu'on passe sur des technologies qui ne s'appuient pas ni sur des hautes températures pour être fabriquées, ni sur des non-renouvelables rares. Et en même temps, il faut surtout baisser notre consommation de façon drastique. Et là, ça nous ramène à la chimie des matériaux notamment, parce que c'est quand même aussi un des points de consommation. C'est quand vous faites de la chimie à 20 degrés au lieu de 1500, ben vous faites des sacrées économies d'énergie. Alors là encore, je les cite votre commentaire, Jacques Livage. Est-ce que vous êtes bien conscient, en tout cas en particulier des limitations, et en particulier donc de cette surconsommation d'énergie pour faire ces constructions, ces artefacts? Et question sous-jacente, est-ce que les industriels avec qui vous dialoguez sont conscients de ça? Ou est-ce qu'ils ne voient pas que même l'uranium, à terme, c'est pour ça qu'il y a des projets de centrales où on fait autant de combustible qu'on en a utilisé. Je pense aux centrales au thorium, par exemple, qui sont développées par des gens à Grenoble. Donc je pense qu'ils sont forcément conscients, parce que ça posera un jour un problème. Enfin, Qu'ils sont inquiets? Conscient. J'entre pas dans la psychologie des industriels. Non, moi, je connais pas les grands patrons des industries. Hein, d'accord. Qui font la politique, je connais les gens qui sont plus au ras du sol. Non, je prends juste un exemple sur l'énergie, sur les batteries. Pour le moment, dans le stockage de l'énergie électrique, hein, c'est un des points importants. Pour le moment, ce sont les batteries au lithium. Et comme on parle de métal, le lithium est un métal qui n'est pas tellement courant. Et donc, un des grands efforts de la recherche actuellement, c'est de remplacer le lithium par le sodium. Là, du sodium, il y en a plein les océans. Donc c'est vraiment une préoccupation. Et il y a pas mal de travaux actuellement qui sortent avec l'utilisation du sodium et non pas du lithium. Alors je ne sais pas dire pour les terres rares, etc., hein, si on peut les remplacer par autre chose. Il y a un point qui est quand même intéressant, c'est que le vivant, la chimie du vivant, c'est 6 atomes. Carbone, oxygène, azote, hydrogène, phosphore, etc. Avec ces 6 atomes, on fait comme les 7 notes de la gamme, on fait une symphonie, on fait tout le vivant. C'est ce que vous dites dans votre livre, d'ailleurs. La chimie de l'homme, c'est tout le tableau périodique, et en particulier certaines petites cases. Est-ce qu'on arrivera à remplacer ça? Je ne sais pas. C'est pas évident. Hein. Alors on parle d'électronique moléculaire, d'électronique organique. Oui, faire maintenant. On sait que certains polymères sont semi-conducteurs, etc. On peut faire des diodes électroluminescentes purement organiques. Vous dites, en tout cas, je prends le prétexte de ce terme, de Mendeleïev, ce nom, et son tableau, bien évidemment. Vous dites que c'est comme un enfant gâté, c'est-à-dire qu'il a fallu remplir les cases, et puis on a abusé. Et en particulier, vous tirez une conséquence aussi, un peu éloignée dans l'ouvrage, mais qui se ramène à cette considération, c'est que on ne sait jamais écouter les anciens, et que très souvent... il y avait une espèce de bonne compréhension empirique, de manière très économique, de manière très bio-inspirée, d'une certaine façon. En particulier, très récemment, samedi dernier, dans l'émission de Ruth Rutz-Tegazi, on a parlé donc des ruches d'abeilles qui doivent être comme des formes d'œufs, qui étaient la forme primitive, et là les anciens savaient faire, parce que c'est pas bien de faire des ruches carrées qu'on éventre. Voilà un exemple. Donc, c'est un sale gamin, le développé qui abuse des matières et des fusions, non ? Oui, mais tout à fait. Mais aussi bien certains auteurs qui nous sont chers, je dis nous avec Pablo Servigne et Raphaël Stevens, oui. On a un auteur qui s'appelle Bill Plotkin et qui parle de notre civilisation comme étant une civilisation pato-adolescente avec les trois caractéristiques, c'est qu'on veut tout de suite, et ça demande beaucoup d'énergie, qu'on considère que les anciens n'ont rien compris, et on veut même l'immortalité. Ça, c'est trois caractéristiques que normalement on quitte avec l'adolescence, mais qu'on a du mal à quitter dans notre société. Janine Binus le reprend à son compte, justement, quand elle parle de cette boîte de chimie, elle appelle ça la boîte du petit chimiste, hein, j'ai repris ça dans mon bouquin, où on fait, en gros, on a pris tous les éléments du tableau de Mendeleïev comme dans une boîte du petit chimiste, et on a tout mélangé, et on a fait à peu près tout et n'importe quoi dans un premier temps. Et dans un second temps aussi, on continue à produire énormément de nouvelles molécules chaque année sans prendre la peine nécessairement de tester très loin leur compatibilité avec le reste du vivant. Donc ça, c'est vrai que là, il y a quand même une grosse imprudence dont il est temps que nous sortions, d'autant qu'il y a comme le disait Jacques Livage à l'instant, il y a cette énorme inventivité du vivant. Il y a littéralement des millions, des milliards probablement de molécules que nous ne connaissons pas encore et qui peuvent servir à, généralement aux fonctions pour lesquelles on développe celles qui ne sont pas compatibles avec le vivant. Alors, vous avez travaillé aussi, Jacques Livage, à mobiliser donc des sortes de cages ou de structures qui permettent donc d'introduire et qui font des choses tout à fait étonnantes. Vous avez travaillé en particulier avec des gens qui sont à la Salpêtrière. Et donc, on est face au nano. Alors, là encore, je vais vous solliciter, et d'une certaine façon, ça va vous agacer, vous allez me dire que vous ne rentrez pas dans la psychologie des grands décideurs qui ne voient pas qu'on va vers la catastrophe, mais évidemment, il y a des nanos. Alors, si on regarde simplement la chimie, qui est la reine de la synthèse, elle aussi, et qui a mobilisé beaucoup de catalyses, il y a eu un arrêté qui s'appelle REACH, qui a été donc établi par Bruxelles à l'adresse des industriels qui ont produit plus de 180 000 molécules nouvelles, donc tout à fait de la main de l'homme, si je puis dire, et à peine 8 000 ont été vérifiées dans leurs aspects de toxicité. C'est-à-dire que voilà des apprentis sorciers, chimistes, et qui prennent des risques considérables, c'est-à-dire qu'ils jouent pas le jeu, c'est-à-dire qu'ils devraient être, on leur délègue la possibilité d'observer s'il n'y a pas de toxicité, ils n'en font rien, et ils déclarent pas correctement leurs produits. Alors vous dites une chose qui est double, vous êtes agacé par ce fait, semble-t-il, et en même temps, il faut partager le bon grain de l'ivraie, c'est-à-dire qu'il y a des bonnes nanotechnologies, et il y en a qui sont furieusement inintéressantes et dangereuses. Quel est votre sentiment ? Oui, mon sentiment, c'est que, si on prend l'exemple des nanoparticules, oui, incontestablement, il faut être très prudent, c'est dangereux. Les nanoparticules peuvent traverser les membranes cellulaires, le cerveau, etc., et faire des dégâts. Ceci étant, on peut aussi regarder et dire, tiens, la nanoparticule va aller dans une cellule, si je mets un médicament, elle va pouvoir le transporter et servir de vecteur. Et donc, c'est tout le développement actuellement de la nanomédecine qui permet de soigner les tumeurs cancéreuses avec beaucoup moins d'effets secondaires qu'avec les médicaments normaux. Donc il y a du bon et du mauvais. Et il faut arriver à séparer. Je crois que c'est valable pour tout. Moi, j'ai pris l'exemple des diatomées. Alfred Nobel a fait de la dynamite. Il croyait que c'était bon. C'est pas si bon que ça. Bon. Votre sentiment ? Et c'est, là, il est conclusif, puisque nous arrivons au terme de ce rendez-vous de Continent Science, Gauthier Chapelle. Moi, mon sentiment, c'est que décidément, le vivant est plein d'idées, et plein de voies qui pourraient nous permettre d'aller vers cette compatibilité avec la biosphère. Et en même temps, j'ai l'impression qu'on a un petit peu trop attendu. Et le même vivant nous apprend que quand on est dans trop de courbes d'exponentielle à la fois, ça peut se terminer par des chutes et des effondrements drastiques. Et là aussi, ceci dit, il a des choses à nous apprendre sur comment le gérer. Bien. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Jacques Livage, merci Gauthier Chapelle. Vous avez co-signé avec Michel, avec un E de Coust, cet ouvrage « Le vivant comme modèle » et qui porte comme sous-titre, comme bandeau, la voix du biomimétisme. Je dois dire que c'est un ouvrage très singulier, très original en français, ne serait-ce que par le répertoire des choses qu'on peut y apprendre. Voilà. Nous sommes arrivés au terme de ce rendez-vous de Continent Science. Merci bien sûr de votre attention et de votre fidélité. Aujourd'hui, à la console technique, Jean-Frédéric, pour la documentation, Thierry Beauchamp, la réalisation d'Annie Journeau, Stéphane Delisgeorges. Continent Science est balado-diffusé. Si vous voulez réécouter cette émission selon votre liberté, vous pouvez et réécouter et télécharger. Demain, à la même heure, vous retrouverez René Friedman pour les révolutions médicales. Il est presque 17h.